Moi, ce que je constate, c'est que les gens qui sont censés être les plus intelligents sur Terre, ben c'est. Puis qu'on nous dit, ah, lui, c'est un grand disant, puis lui, bon, c'est les plus fous. Puis je constate pas non plus que la civilisation s'améliore. Au contraire, c'est pire qu'une dystopie là, de films de fous, là. Je veux dire. Ce qui se passe en ce moment, il y a 70 ans, quelqu'un aurait mis ça dans un roman, le monde aurait trouvé que ça n'a pas de bon sens. Il aurait dit, c'est vraiment un enfer. Bon, ben, finalement, tu sais, on peut rationaliser puis dire, ah, ben, il y a des bons côtés. Puis, ben, moi, toutes les affaires que j'aime dans la vie, c'est des affaires qui existaient avant. Toutes les affaires que je trouve plaisantes dans la vie, c'est des choses qui existaient avant. Ben là, il y a des gens qui vont dire c'est parce que t'es vieux jeu, t'es Ben, je m'en fous conservateur. de ce qu'ils disent les gens. Je suis bien pire que conservateur. Bien pire que ça. Parce que, à mes yeux, être conservateur au sens d'une idéologie politique, pour moi, ça, c'est désuet. Je suis bien pire que conservateur. T'es quoi? Bien pire que ça. C'est comme si tu vas demander à. C'est comme si tu vas demander à des amis, êtes-vous conservateur? Ils vont dire non. Pas besoin. Mais le contexte fait que de plus en plus, ça va être illégal. T'sais, si tu vas avoir une idéologie qui est vraiment en dehors même de ça, ils vont dire, ben là, c'est des sectes, puis ils ont déjà préparé le terrain pour dire, ben, si t'es contre le transhumanisme parce que t'es sectaire. Donc là, moi, je suis bien pire que conservateur. Je suis bien pire que conservateur. Je suis en train de devenir. Tu sais, la seule raison qui fait que je vis pas comme je voudrais, c'est parce que je peux pas. Mais si t'as rien que de moins, là, je m'arrangerais pour. Tu sais, j'avais à un moment donné une maison, j'avais une terre, puis les circonstances ont fait que je l'ai plus. Mais il reste que. Mais il y C'est avait peut-être supposé être ça, la vie. l'intelligence que tu l'aies pu parce que c'est la programmation qui s'est actualisée. Bon, ben, c'était surtout pour me mettre. Moi, j'ai remarqué ça, c'est pour ça que l'esprit, tu sais, je vais pas me mettre à l'invectiver puis faire du chantage, parce que je sais, ça marche pas. J'essaye de travailler avec pareil, mais il reste que souvent, je suis pas de bonne humeur parce que je commence à le comprendre, que le but, dans le fond, de l'expérimental dans ma vie, c'est de me mettre en position que j'ai le faux cul pour que je parle. Ou bien que, pour que me forcer à dire des affaires. Mais il reste que bon, c'est pas ça que je voulais, c'est pas ça que je voudrais. Mais là, tout le contexte fait que tout ce que je voudrais au sens d'un corps de désir, ça devient, c'est pas possible. Fait que là, je suis pris pour me rabattre sur de la volonté. Dans le sens que, bon, mais plus ça va aller, moi, je suis pas quelqu'un de défaitiste non plus. Mais je vais toujours composer avec ce qui se passe. Mais jamais je vais m'empêcher de dire ce que j'en pense si on me le demande. C'est sûr, mais en quelque part, tu es en train de me dire que tu es manipulé malgré toi pour en venir à parler puis à développer. On est tous manipulés. Oui. Ben l'affaire, c'est tout le temps, est-ce qu'on est manipulé par de la lumière ou pas? Puis bon, finalement, avec le temps, je me rends compte, bon, ben, c'était peut-être intelligent. Mais là, tu es en train de Que. me dire que finalement, tu reconnaîtrais que c'est intelligent que tu souffres puis qu'il te fasse Ben chier pour oui. t'amener plus haut dans la parole. Mais là, Ben à ce oui. moment-là, ça devient, dans un sens humain, horrible, parce que ce que ça induit, l'idée, c'est qu'un peu comme Bernard qui a eu tout le temps des tensions, ben là, c'est que ça devient nécessaire que la personne soit régulièrement sous tension pour qu'elle parle régulièrement en proportion. Ah oui, mais ça agit de même. De toute façon, là, tout est horrible, de toute façon.